Bonjour et bienvenue à CNX, c'est l'émission la plus geek de la radio, je m'appelle Mathieu Plante et oui, enfin CNX est de retour en direct le jeudi matin, on est en rediffusion depuis 3 semaines. Cette semaine, émission spéciale GoGo Gadget, on va écouter les capsules GoGo Gadget qui ont eu lieu depuis les derniers mois, depuis le début de la saison. Bref, ça va être super intéressant, on va commencer ça tantôt, mais pour l'instant en musique, voici le nombre et des zombies et des fleurs, assez fou. La Radio Campus de Trois-Rivières, allez voir le www.assemblagerequis.com pour toutes les informations sur l'émission d'aujourd'hui. C'est assemblagerequis.com. Il peut obéir et tuer sans devenir fou, monsieur l'aéroporté. Ce qui lui passe par les mains finit dans un trou à se décomposer. Le nombre et les zombies et les fleurs, ça c'est en position numéro 1 du palmarès francophone de C'est fou cette semaine. Vous êtes à CNX spécial GoGo Gadget et on commence avec la chronique GoGo Gadget du 9 juillet. Collègue préféré de tout le monde, de sa mère et de son chien. GoGo Gadget, on parle de gadgets soit utiles, soit complètement ridicules. Commençons par un qui est entre les deux, si on veut. Comme la fourmi aurait pu le dire à la cigale, si la cigale avait été paresseuse au lieu de chanteuse. Vous avez dormi tout l'été, ne m'en déplaise, et bien dansez maintenant. C'est ce que dit l'article de Branchez-vous Gadget. Le réveil matin, Finger Dance, non content de vous sortir du lit à grands coups de vacarme tintamaresque, ne s'arrêtera de crier qu'une fois que vos doigts auront réussi à entrer le code secret affiché sur les cases lumineuses. Autrement dit, vos doigts devront jouer à Dance Dance Revolution pour que vous puissiez vous recoucher tranquille. On sait que c'est déjà assez difficile de trouver l'âme sœur quand on est mauvais danseur, dit l'article. Imaginez ce qui arrivera lorsque l'âme sœur en question découvrira que les doigts de monsieur ont deux pieds gauches eux aussi et qu'il lui faut 45 minutes et quelques dislocations de jointure pour parvenir à arrêter son réveil. Ça va être disponible cet automne pour environ 15$. C'est sur le site de Uber Gizmo. Allez voir le site de l'émission comme toujours au www.unechance.com pour les liens. Un gadget qui existe depuis pas mal longtemps, mais si vous l'avez oublié ou que vous saviez pas que ça existe, et là c'est le début de l'été, donc ça va vous servir. On demande, est-ce qu'on peut le manger? Non. Mais est-ce que ça fait tourner votre crème glacée automatiquement autour de votre cornet pour vous permettre de licher plus facilement? La réponse là-dessus, oui. Ça coûte 9$ plus les frais d'envoi, plus les coûts de batterie. Ben au moins vous avez de la crème glacée à la fin quand même. C'est un cornet qui fait tourner votre boule de crème glacée pour vous. Hein? Allez voir lunechance.com pour le lien comme toujours. La simplicité, c'est toujours quelque chose de bien, selon moi, selon bien des gens. Et des fois, on peut combiner des choses ensemble. Ça devient un petit peu plus complexe, mais des fois, ça peut être plus pratique aussi. Hein? C'est possible ici que la raison que ça n'a pas été fait encore, ce gadget-là, là, je mets « gadget » entre guillemets, c'est peut-être parce qu'il y a des défauts là-dedans. Je sais pas, mais moi, je trouve que ça a l'air vraiment bien. C'est une clé avec une nano de porte-clé qui vient avec. Dans le fond, c'est la clé est un nano de porte-clé. Et puis, il dépasse un petit bout de clé qu'on peut utiliser pour débarrer une porte. Bref, vous pouvez les commander pour 7$, hein, et vous pouvez les faire couper par pas mal n'importe qui. Et puis, on dit dans l'article de CrunchGear.com que ça peut aussi servir d'arme. C'est bien. On dit toujours quand on doit aller aux toilettes, il faut y aller. Hein? C'est un dicton très, très célèbre, ça, j'en suis certain. Mais des fois, il n'y a pas de toilettes proches. Hein? Mais c'est pas grave à cause de ce gadget-là qui va vous sauver la vie, probablement. Bon, pour les gars, on sait que c'est facile de faire pas mal ses besoins n'importe où, mais pour les filles, ça peut être plus compliqué. Donc, c'est une petite enveloppe, un genre de choses qu'on peut mettre en forme de bidet. Hein? Et puis, on fait ses besoins dedans, et puis ça se transforme en gel automatiquement. Et vous pouvez avoir une boîte de 18 de ces trucs de gel-là pour 12$. Et puis là, ben, tout ce que vous avez à faire, c'est le jeter dans une poubelle n'importe où autour de vous. C'est super. Si vous pensez être écologique en éteignant votre télé en quittant la pièce, eh ben il faut pas oublier les périphériques qui sont connectés soit après votre TV ou à côté de votre TV, comme les lecteurs DVD, les consoles de jeux vidéo, les magnétoscopes, etc. Ça prend quand même de l'électricité, ces choses-là, ces appareils-là, quand on est en mode stand-by ou en mode de veille, ça prend quand même de l'électricité. Donc, le TV Trickle Star vous aide en ce... il y a comme un genre de bouton on-off, hein, qui fait éteindre tous les appareils qui sont connectés dedans. Et puis, on branche ça dans le mur et puis on branche tous les appareils après ça. Et puis, ça éteint tous les appareils qui sont branchés dans le gadget. Ça coûte 35$. C'est disponible sur Trickle Star Online Store. Et puis, je sais pas, c'est un investissement qui pourrait valoir la peine après un bout. Même si là, dans celui-là, je vois seulement deux prises pour brancher deux appareils. Donc, c'est peut-être pas assez. Mais bref, il y a sûrement d'autres modèles avec plus de prises ou peut-être plus tard si c'est populaire. Tiens, selon bien des gens, les jeux vidéo détruisent les enfants, détruisent la jeunesse des enfants, détruisent notre physique et même toute la société au grand complet. Hein. Mais en fin de compte, c'est pas très bon pour les poignets non plus. C'est ce que dit l'article de Ogizmo.com. Les télécommandes les manettes de jeux vidéo normales et régulières font mal aux poignets. C'est pour ça qu'une compagnie qui s'appelle Smartfish, qui sont connus pour leurs périphériques ergonomiques, ont développé le ProMotion Game Controller. Vu que les mains et les poignets de tout le monde ne sont pas pareils, ben le ProMotion Gamepad peut se tourner, faire une rotation au milieu de la manette pour créer une position confortable et ergonomique pour chaque utilisateur. Mais la chose la plus cool, c'est qu'en utilisant le Dynamic Positioning Controller System, la ProMotion va étudier votre utilisation de la télécommande et va faire des changements périodiques, mais presque imperceptibles, avec des moteurs à l'intérieur de la manette. Donc, vous n'aurez pas à la changer de position pour trouver l'angle parfait. Elle va essayer de le faire pour vous automatiquement. Hein? Malheureusement, le prix n'est pas encore disponible et puis on ne sait pas encore quand est-ce que ça va être disponible non plus. Mais on sait que le ProMotion est fait pour fonctionner avec des jeux PC et pas avec les consoles de jeux vidéo qui sont sur le marché. J'en veux une. Tiens, un gadget assez pathétique dans ce cas-ci. Pas mal n'importe qui, à un moment dans sa vie, a rêvé d'être applaudi par quelqu'un pour un exploit qu'ils ont fait. Tu sais, vous avez réussi quelque chose et puis vous voulez vous faire applaudir. Vous voulez faire semblant que vous avez accepté un Oscar ou que vous avez gagné le Super Bowl. Bref, cette box of applause sera probablement pas aussi le fun à recevoir. Hein? C'est une boîte de bois qu'on ouvre et qui se met à rire. Hein? Box of applause, à rire et à applaudir. C'est comme, youpi, gros bravo. T'sais. Super la fun. 25$ sur le site de Sky Mall. Sûrement avec un petit bruit vraiment cheapo à l'intérieur. Mais bref, ça vous applaudit. Et puis, ça pourrait peut-être être pratique pour certains. Du karaoké, c'est pas pour tout le monde, hein? C'est pas vraiment mon genre, le karaoké, mais YouStar est un système qui ressemble un peu au principe du karaoké. Ça utilise un logiciel spécial et une webcam et un écran vert portatif pour changer votre PC ou votre portable en une suite de karaoké par rapport au film, en vous insérant dans des films. Donc, vous sélectionnez le rôle que vous voulez jouer dans une des scènes qui sont incluses avec le ciel, le système. Vous filmez votre rôle. Et le ciel fait ce qu'il peut pour vous insérer dans le film. Hein. Ça va sortir au mois d'août, ça, U-Star. Ça va venir avec une sélection de scènes de films célèbres. Je sais pas lesquelles encore pour l'instant, mais bon, ça va coûter $170. Ça va être sur le site de U-Star, qui est au ustar.com, U-Y-O-O. Le kill va sûrement être disponible seulement aux États-Unis et peut-être au Canada à cause de problèmes de copyright dans d'autres pays. Voilà, ça s'appelle U-Star. Ça vient de ugizmo.com, l'article. Finalement, j'ai posté deux derniers petits articles dont j'en parlerai pas trop de ça. Moi, j'en parlerai pas vraiment. Boingboing.net parle de gnomes pour le jardin. C'est des nains de jardin, mais qui font des poses plutôt bizarres, plutôt sanguignolantes, on pourrait dire. Donc, allez voir les photos de ça. Et puis, une chose pour mesurer votre spaghetti, mais de façon un petit peu plus techno, avec un très beau petit gadget de plastique qui vous permet de choisir le nombre de portions que vous voulez. Allez vous renseigner sur le unechance.com. C'est magnifique. C'était la chronique Go Go Gadget du 9 juillet dernier. Tantôt, on va entendre celle du 2 juillet, mais avant ça, en musique, voici The Novax et Why Wonder. Vous êtes à CNX spécial Go Go Gadget. No Back, c'est Why Wonder, stable en position numéro 7 du palmarès anglophone cette semaine. Vous êtes à CNX spécial Go Go Gadget et puis cette semaine, ben, on compile les chroniques Go Go Gadget depuis le début de 2009. On fait ça à chaque semaine jusqu'à la semaine du 24 août. On va compiler différentes chroniques de CNX. Tout de suite, voici la chronique du 2 juillet. Go Go Gadget, Go Gadget. Go Gadget, c'est la chronique où je vous présente mes gadgets préférés, qu'ils soient utiles ou complètement inutiles. Et on commence cette semaine avec un article que j'ai vu sur ogizmo.com. Comme tout plein de gens, j'ai un compte Facebook, vous en avez un, on s'y est connecté, on s'y est au courant de ce que nos amis font. Par contre, si vous avez besoin d'une excuse pour passer encore plus de temps sur Facebook, eh bien, il y a le My Desk Friend. C'est un petit pingouin robotisé qui se synchronise avec votre compte Facebook et fait de drôles de choses comme lire vos messages. Il peut bouger sur votre bureau, faire des bruits pour vous divertir. C'est comme les Tamagotchi dans le temps, tu sais. Mais My Desk Friend, ben, comme un Tamagotchi, il faut le nourrir et jouer avec. C'est comme ça, tu sais. Hein? Ça va réagir à votre toucher aussi, si vous le brassez violemment ou si vous le flattez. Hein? Ça va être disponible en septembre pour environ 100$. Ça s'appelle le My Desk Friend. Allez voir arimaz.com/MyDeskFriend ou passez par le site de l'émission au www.unechance.com. Le prochain, tiens, il y a bien des choses qu'on peut porter dans la vie pour avoir l'air vraiment nerd. T'sais, se tatouer le mot nerd sur le front quasiment. T'sais. Celui-là, c'en est un exemple. C'est le CVFR-S09 Solar Vest. Hein? C'est une veste équipée de 4 panneaux solaires qui peuvent être utilisés pour recharger plusieurs gadgets. Les panneaux sont même enlevables, donc vous pouvez, là, sont à l'avant de la veste. Là, vous enlevez ces poches-là et vous pouvez mettre les gadgets à l'intérieur. Vous pouvez avoir jusqu'à 8 gadgets dans vos poches, mais en recharger un seul à la fois. Et en arrière, c'est écrit Solar Vest, donc vous allez certainement vous faire botter les fesses une fois ou deux. Hein? $140 et c'est pas dit quand est-ce que c'est... Je crois que c'est disponible maintenant sur le site de ChinaVision.com. C'est le Solar Vest, appelons-la comme ça, hein? Plus simple. Apparemment, Sega a un nouveau projecteur qui devrait sortir au mois d'août cette année. Selon leur site web, malheureusement, il n'y a pas tant de détails que ça à donner. Par contre, on sait que premièrement, vous allez pouvoir choisir des feux d'artifice différents et les projeter sur un mur ou sur un plafond. Hein. Une bibliothèque de 55 effets pyrotechniques différents virtuels. Ça va fonctionner avec 3 piles 3A. Le projecteur est donc très, très portable et ça va se vendre pour environ $160. Donc, c'est Sega qui fabrique ça. C'est un appareil portatif pour diffuser des feux d'artifice sur un mur ou sur un plafond. N'importe quelle surface, vraiment. Tu sais, j'ai un chat et des fois, ça me tente pas vraiment de jouer avec. Je suis comme un petit peu paresseux de même. T'sais, moi, me lever debout et faire des exercices, c'est peut-être pas mon fort. Peut-être que c'est la même chose pour vous. Des pointeurs laser, ça fait triper les chats, tout le monde le sait. Tiens, le Frolic Cat Bolt, c'est un pointeur laser qui bouge tout seul. Vous pouvez le mettre sur une table ou sur n'importe quelle surface et il va bouger le laser de façon complètement au hasard pendant 15 minutes. Et après ça, ça va s'éteindre automatiquement. Et vous pouvez le mettre au mode manuel aussi si vous voulez l'utiliser une fois de temps en temps avec votre chat comme un vrai pointeur laser. Donc, si vous êtes trop paresseux pour vous occuper de votre chat, hein, ça coûte $20. C'est Frolic Cat, le gadget, et c'est sur frolicat.com ou www.unechance.com pour le lien, bien sûr. Tiens, le prochain s'explique un peu tout seul. Ça vient de Helicom. Ça s'appelle le U2H TC410B. C'est un hub USB qui est fait pour être monté sur le côté de votre bureau ou encore sur un mur grâce à un dos magnétique ou encore à des crochets qui sont inclus. Vous allez pouvoir avoir accès à 4 ports USB qui sont placés à bonne distance pour pouvoir accommoder un gros bloc de recharge ou n'importe quel gadget avec un gros fil. Ça coûte $40, c'est sur Audio Cubes, soit en noir ou soit en blanc. Ce que ça a de particulier, c'est au look, c'est que ça ressemble à une prise de courant. Donc vraiment, tu sais, les prises USB sont placées un peu comme on verrait les trous dans une prise de courant, dans le mur. Voilà, c'est le Helicom UEH TC410B. Si vous êtes comme moi, encore une fois, je parle de moi encore et encore, mais vous laissez votre linge sale pas mal sur n'importe quelle chaise, divan ou table disponible dans votre appartement. Hein? C'est vrai. Créé par Elot Elove, ce banc de métal ne devient utilisable que lorsqu'on a empilé quelques vêtements dessus. Parce que de la façon que c'est fait, c'est que le dessus, tout est en métal. Premièrement, le dessus est comme un bol. Donc, si vous mettez du linge dessus, là, soudainement, vous pouvez vous asseoir sur ce banc-là. Et ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on peut changer les vêtements et accommoder ça selon la palette de couleurs de son appartement. C'est-tu pas merveilleux, ça? Par contre, c'est pas encore disponible à la vente et je pense pas que ça va l'être vraiment, mais peut-être que quelqu'un pourrait éventuellement décider d'en faire un vrai disponible à la vente. Sinon, mais fabriquez-le vous-même si vous connaissez un petit peu ça. Hein? Tiens, un article de Branchez-vous Gadget. suite. Vous avez 15 000 $ de trop et votre conjointe est soit inexistante, soit sérieusement contrite. Hein? Après vous avoir infligé un voyage de 3 semaines dans une mini en compagnie de sa mère et de son Doberman, demande de brancher vos gadgets. Ben voici le Manowall, une collection de gadgets pour ceux qui ont toujours rêvé de mener la vie d'Arnold Schwarzenegger, politique et musculation en moins. Il contient au moins 3 écrans à cristaux liquides plats. Hein? On peut en avoir plus, mais il s'agit d'une option, dit-il. Un changeur de DVD, un tonneau de bière pression réfrigéré, un cinéma maison avec haut-parleur arrière sans fil, un cellier de 32 bouteilles, un micro-ondes et pas un, mais 2 humidors pour cigares. Le tout bien organisé dans un meuble qui entrera de peine et de misère dans la plupart des garages doubles. Et si jamais les 3 écrans télé ne suffisent pas à regarder toutes les parties de football qui se disputent en même temps, le haut du mur est consacré à un fil de presse qui annonce en direct les résultats sportifs en provenance d'un peu partout. C'est via le site shiny.tv. La plus grande alarme du monde. La plus grande alarme du monde. Ce n'est pas le soleil, détrompez-vous. Non. C'est ce que ce gars a fabriqué. C'est un concept, évidemment. Le gars a fait ça de ses propres mains dans sa chambre à coucher. Le punch, je vous le révèle un peu, mais disons que c'est branché après plein de tuyaux et de choses à pression ou peu importe. Et puis, il y a une grosse horloge. Et puis, à un moment donné, quand l'heure arrive, le lit se met à shaker comme un char de pimp, comme on dirait. Bref, allez voir la vidéo. Je vous en dis pas plus que ça. C'est The World's Biggest Alarm Clock sur le www.unechance.com. Tiens, au début de cette année, pas mal tout l'Internet parlait de Lightlane. On en a parlé à CNX. C'est un appareil concept qui utilisait des lasers pour projeter une voie de vélo sur la route pour empêcher les voitures de vous écraser. Donc, sur le vélo, il y avait des lumières, des lasers qui projetaient une voie de vélo, tu sais, des lignes pour faire comme si tu pouvais passer là, dans la rue, hein, en se faisant voir, voilà, des lasers. L'idée était populaire avec tous les cyclistes et les designers ont réussi à ramasser assez d'argent pour faire fonctionner une version bêta. Comme on peut voir dans le vidéo, dans l'article sur lunechance.com, ça fonctionne quand même pas mal bien, même quand les lumières de la voiture d'en arrière, tu sais, t'éclairent. Ça fonctionne quand même. Est-ce que ça veut dire que ça va finir en production? On l'espère bien, vu que là, c'est en développement de sa phase bêta. Il n'y a aucun détail à savoir quand ça va être disponible ou combien ça va coûter, mais quand même, allez voir l'article pour voir la vidéo sur le www.unechance.com. C'est un article de Ogizmo. Décidément, dit le blog Branchez-vous Gadget, l'être humain est bien mal fait. Une fois qu'on investit une main dans le transport d'une boisson bien froide et l'autre dans le transport d'une assiette pleine de victuailles, avec quoi est-ce qu'on est censé ouvrir la porte patio qui mène à la terrasse? Avec le nez, avec l'oreille, avec la luette? Non, voici la solution, c'est la GoPlate, qui est l'assiette parfaite pour celui qui n'a que 2 mains. Une section surélevée au centre permet d'y insérer une canette bien serrée qui servira ensuite de poignée. Il ne reste plus qu'à remplir l'assiette de croustilles ou de crudités et de partir le cœur léger. Les assiettes GoPlate sont lavables à la machine et recyclables et elles sont vendues en paquet de 42 pour une cinquantaine de dollars. C'est parfait pour les soirées autour de la piscine avec les cousins et les voisins. Ah, que j'ai une idée! C'est moi une assiette qui ressemble, qui est un petit peu plus profonde qu'une assiette, elle ressemble plus à un petit bol, la salade peut-être, et à l'intérieur il y a comme dans un moule à gâteau, là, un petit dedans surélevé qui fit sur votre canette et ça fonctionne super bien. La compagnie taïwanaise E-Lead tente de réinventer le pavé tactile avec son Lazy Pad, un pavé qui peut être encastré dans un ordinateur ou utilisé comme périphérique externe, comme un pavé tactile traditionnel et comme clavier numérique. Ça sert à beaucoup de choses. Le Lazy Pad est comme un pavé conventionnel, sauf qu'il est possible de l'enfoncer comme un gros bouton, un peu comme l'écran tactile du BlackBerry Storm qui réagit au peser du doigt. Sauf que le Lazy Pad est beaucoup plus lousse et facile à cliquer, dit Branchez-vous Matériel. Celui-ci peut être utilisé dans les airs ou sur une table et éventuellement, certains fabricants d'ordinateurs portatifs pourraient également remplacer leur pavé tactile régulier par ce dernier. Lorsqu'on glisse son doigt sur l'appareil, celui-ci contrôle le curseur de l'ordinateur, mais il est aussi possible de le mettre en mode pavé numérique et de cliquer les chiffres et certaines touches programmables. C'est absolument fantastique pour un cinéma maison, par exemple, c'est génial. Le tout fonctionne très très bien et une alternative intéressante au pavé tactile conventionnel, dit l'article, puisque l'appareil sera également disponible en version Bluetooth, il pourrait plaire notamment aux utilisateurs d'un cinéma maison. C'est exactement ce que je venais de dire. Le pavé présenté au dernier Computex n'est pas encore disponible, mais il ne devrait pas tarder à apparaître dans les rayons de certains magasins. Aucun distributeur canadien n'a signé d'entente jusqu'à maintenant avec E-Lead pour le moment. Mais ceci pourrait bien changer si l'appareil connaît du succès ailleurs, ce qui, selon moi, ne serait pas une surprise. Hein? C'est génial. E-Lead a également profité du Computex pour présenter une version QWERTY de son LazyPad. Et ça, c'est encore plus impressionnant. Moi, je trouve, parce que t'as vraiment un clavier dans les mains et c'est Bluetooth. C'est super cool. C'est petit, c'est comme un iPhone, mais tu sais, pour faire beaucoup moins de choses, mais quand même. J'espère que ça va être moins cher qu'un iPhone. Voilà, donc, clavier souris.

Bonjour, vous êtes toujours à CNX spécial Google Gadget. Cette semaine, on compile les chroniques Google Gadget qui se sont déroulées dans CNX depuis le début de 2009. On a écouté déjà deux chroniques, mais vous pouvez retrouver les liens déjà sur le www.assemblagerequis.com. On continue pour encore une heure et demie là-dessus et on va continuer pendant les prochaines semaines avec d'autres compilations de d'autres segments que vous adorez dans CNX, dont Autour du Net et un spécial Chiptunes. Tout de suite en musique, voici Metric et leur célèbre et adorable pièce, Satellite Mind. Vous êtes assez fous! 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Metric et leur pièce Satellite Mind de leur album Fantasies. Vous êtes à CNX spécial Google Gadget. On compile les capsules Google Gadget diffusées depuis le début de 2009. Maintenant, voici celle du 25 juin. Je ne me tannerai jamais de parler, d'entendre parler de gadgets, c'est ce qu'on fait à Google Gadget, la chronique des gadgets geeks ridicules et ou inutiles et ou super pratiques et conviviales, on pourrait dire. Commençons avec, bon, vous avez tous entendu parler du Palm Pre, le téléphone qui est supposé, bon, révolutionner l'industrie du téléphone et affronter l'iPhone tête première, le Palm Pre, très bel appareil, génial, j'adore ça. La chose qui m'intrigue le plus sur le Palm Pre, c'est ce qui vient avec pour le recharger. C'est une genre de petite pierre pas de pierre, mais c'est un morceau de plastique, genre, tu sais, quand même assez lourd, tu sais, assez pour que ça tienne sur ton bureau, tu le branches dans le mur, mettons. Et puis là, ben, t'as juste à mettre ton pampouille dessus pour le recharger au lieu de le brancher dans quelque chose, tu fais juste le déposer sur cette pierre magique-là. Et soudainement, ben, ça recharge votre téléphone. C'est malade. Et bien, maintenant, ceux qui voulaient ça sur leur iPhone, il y a un genre de produit similaire de la compagnie... non, en fait, le produit s'appelle le Wild Charge pour le iPhone. Et ça fonctionne du iPhone original au 3G, au 3GS qui vient tout juste de sortir. Le Wild Charge Skin est un genre d'étui durable qui protège l'iPhone des chutes. Et dedans, dans cet étui de plastique-là, il y a un petit gugus que tu branches dans la prise qui est en dessous du iPhone. Et puis là, après ça, tout ce que tu vas faire, c'est mettre le téléphone sur la base, le Wild Charger Pad. C'est comme la petite roche là, qui coûte 35$. Et puis ça recharge. 80$ pour le kit avec le skin et le chose pour recharger pour l'ensemble, pour faire ce que vous voulez faire. Là, c'est 80$. C'est pas si pire que ça, tu sais, pour ne pas avoir à le brancher dans le mur tout le temps, juste à le déposer n'importe où sur cette pierre-là. Et puis ça fonctionne, j'aime ça. Allez voir l'article sur unechance.com, www.unechance.com, comme toujours. Tu sais que je transporte toujours sur moi une clé USB ou deux, tu sais. Comme la majorité des gens, j'en suis sûr. Au moins, j'aime penser que tout le monde fait ça et que c'est pas juste moi. Mais des fois, ça devient plate. T'sais. Il me semble que tu l'oublies tout le temps. Tu l'oublies dans la prise USB à quelque part. Tu l'oublies dans tes autres pantalons. Tu l'oublies, bon. Et bien maintenant, il y a cette super carte de crédit / clé USB qui se plie en deux, cette affaire-là, pour pouvoir brancher ça dans une prise USB. C'est vraiment comme en forme de carte de crédit. Et c'est comme cassé dans le milieu avec une genre de peinture. Et puis là, ça révèle une petite plaquette USB. C'est tout mince, là, parce que la plaquette USB, c'est vraiment très, très mince. Les clés USB autour, c'est du plastique, ça. Bref, une compagnie qui s'appelle Top Tech Products a annoncé ce nouveau lecteur flash en forme de carte de crédit qui a l'air assez mince pour être mis dans un portefeuille. Hein, c'est 3,4 pouces par 2,1 par 0,11 pouces. Il y a 4 gigaoctets de place là-dessus. Ça supporte Linux, Windows et Mac avec USB 2.0 ou même 1.1. Plusieurs couleurs sont disponibles, dont transparent, gris, orange, rouge et bleu. Les entreprises peuvent aussi faire appliquer un logo dessus. Et ça coûte seulement 25$ sur Amazon. Ce beau petit produit-là, j'en veux un. 25$ sur Amazon. C'est une compagnie qui s'appelle Top Tech Products. Voilà. Deux produits qui n'ont absolument pas rapport avec les geeks tant que ça, mais que seulement des geeks pourraient être vus avec ce genre d'appareil-là, ou en tout cas les losers, on pourrait dire. Les hommes aiment piler des patates, c'est prouvé par la science, les hommes adorent ça, les patates. Et tiens, tant qu'elle est pilée ces patates-là avec n'importe quel outil, parce que c'est fun avec n'importe quel. Ici, on a un pile-patate avec une genre de semelle de botte. En dessous, ça fait des empreintes de pas. Je trouvais ça coûte juste 8$. Et lâcher sur unechance.com, passer par les articles de la section Google Gadget. Même chose pour une scie à pizza. Hein? C'est un Chainsaw Pizza Cutter qui coupe pas mal n'importe quoi, mais c'est surtout pour la pizza. Chainsaw Pizza Cutter en forme de scie à chaîne. Hein? Miam, 10$ environ. C'est un article de Branchez-vous Gadget. On connaît tous des nouveaux parents perpétuellement inquiets de la santé de leurs rejetons, disent-ils. Après tout, comment savoir si bébé hurle à tue-tête parce qu'il a faim, parce qu'il est malade ou tout simplement parce qu'il ne peut pas indiquer son indignation autrement quand il constate que papa et maman sont en train de regarder une vile émission de télé-réalité? Les pyjamas Baby Glow qui seront disponibles cet automne tentent de calmer les inquiétudes parentales en détectant les variations de la température du corps de bébé. Si jamais bébé fait de la fièvre, le pyjama change de couleur, passant du bleu ou du rose au blanc et indique aux parents qu'il est temps de prendre des mesures correctives ou au moins de sortir le thermomètre pour confirmer l'information. Ça vaut 40$ pour un paquet de 3. Oui, 3. C'est cher. La compagnie HP a présenté un nouveau modèle de tout-en-un capable de se connecter à Internet pour y imprimer directement des coupons, cartes routières, tickets de cinéma, actualités et informations météo sans avoir besoin d'utiliser son ordinateur. L'imprimante arrive avec un tout nouvel écran tactile de 4,3 pouces permettant d'accéder directement à des applications un peu semblables à des widgets comme on voit dans les barres de Windows Vista ici et ça. Ne s'arrêtant pas à cette fonction, le nouveau joujou est aussi imprimé, scanné et faxé. L'appareil permettra de recevoir vos travaux d'impression en Bluetooth ainsi qu'en Wi-Fi. Ils sont capables notamment de communiquer avec l'iPod Touch et l'iPhone. Le PhotoSmart Premium with Touch Smart Web, c'est son nom, sera en vente cet automne au prix de 400$. Mais l'idée était très très bonne et était très attendue par bien des gens. Une imprimante qui n'a pas besoin d'être branchée à rien reçoit tout par les ondes magiques des technologies différentes. Comme ça, j'adore ça. C'est super beau. Une imprimante connectée au web. Des avancements en technologie, il y en a beaucoup, hein, mais dans les paires de lunettes de soleil, ça arrive un petit peu moins souvent. Et dans ce cas-ci, ben, c'est quelque chose qui pourrait très bien ne pas paraître. C'est des lunettes de soleil avec caméra vidéo à l'intérieur. Oui, capable d'enregistrer en 640 par 480 VGA, jusqu'à une mémoire interne de 8 gigaoctets. Hein? Tout ça en regardant à travers ces lunettes. Et la mémoire peut même être augmentée avec une carte micro SD sur le côté. On peut recharger par un mini port USB. Ça coûte 192$. J'en parle comme ça rapidement. Ça vient sur de Geek Stuff for You. Allez voir le www.chance.com pour les liens. Et tiens, de retour au blog gadget de Branchez-vous, adoptez ce contrôleur de jeux vidéo en forme de boule de quille. Hein, la boule de quille pour Wii ne constitue cependant pas une manette de jeux vidéo tout à fait complète en soi. Il faut l'ouvrir et insérer une télécommande Wii au bon endroit puisque cette dernière se charge de la détection de mouvement. Ensuite, il suffit d'insérer les doigts dans les trous prévus à cet effet-là, comme on le fait avec une véritable boule de quille, et de jouer de cœur léger, évidemment, parce qu'il ne faut pas détruire sa télé comme tant de gens l'ont fait. Il y a environ quoi 3 jeux de quille ou plus disponibles sur la Wii. Il n'y a pas seulement Wii Sports. C'est ce qu'il dit, c'est vrai. Notez que le manufacturier conseille de bien attacher la dragonne à son poignet et d'éviter de succomber à la tentation de relâcher la boule à la fin du mouvement de bras. Prix et date de mise en marché encore indéterminée. Ça vient de Wired.com. C'est juste un look, hein, parce que vous pouvez pas la lancer, donc il me semble que ça sert pas à grand chose. Puis je comprends pas non plus les autres gadgets d'attacher un bâton de baseball à votre manette de Wii. Là. C'est fait pour être réaliste sans avoir à rajouter des bouts de plastique à 15$ chaque. Bref. Tiens, un gadget que moi j'ai vraiment aimé cette semaine. Quand vous sortez votre portable de son étui ou de sa valise ou peu importe, qu'est-ce que vous faites avec cette chose-là, l'étui autour? Moi, je le refous dans mon sac. Eh bien, généralement, c'est ce qu'on fait. Mais dans ce cas-ci, c'est ce que vous ferez pas avec le ArtMu Laptop Sleeve. Ça se dézippe sur une surface plane en deux. Donc, ça devient un tapis de souris à droite et une place pour mettre votre portable à gauche. Ça coûte environ 15$ en une variété de grandeur et de couleur. J'adore l'idée de ne pas avoir à transporter un tapis de souris. Il y a beaucoup de souris qui fonctionnent pas ou presque pas sans tapis de souris et ça m'énerve. Voilà, on va sauter au dernier gadget pour cette semaine. C'est un concept, ça n'existe pas encore, mais sûrement qu'un jour ça existera. C'est une genre de grande plaque. Bon, je vais vous expliquer premièrement. Bon, vous connaissez l'électricité, entre guillemets. Je pense que la plupart des gens connaissent ça. C'est une prise d'habitude, une prise avec, tu sais, quelques petits trous dedans. Dans ce cas-ci, c'est une très très grande prise avec des lignes à l'intérieur et ces lignes-là sont chargées de courant. Et ce qu'on peut faire dans ce concept de prise d'électricité-là, c'est brancher plusieurs appareils, dont des gros blocs d'électricité, des petits fils ou n'importe quoi, dans cette espèce de cercle-là qui est autour de cette grosse assiette électrique. Donc, je trouve ça cool. Tu peux vraiment le glisser n'importe où là-dedans et en mettre beaucoup plus si tu colles les fils les uns à côté des autres. Autant d'électricité que possible. J'adore ça. J'en veux 14 dans ma maison, je pense. Ouais, pour la chronique Gogo Gadget. Ah, c'était vraiment très pertinent, ça, ce concept-là. J'adore. C'était la capsule de CNX de Gogo Gadget. Bonheur en pilule était le nom de l'émission. Faut aller voir le assemblagerequis.com, chercher l'émission du 25 juin dans l'émission la plus récente de CNX. Bref, c'est classé par date dans le billet de l'émission CNX de cette semaine qui est le spécial Gogo Gadget. Hein? C'est mêlant quand même. Allez donc sur assemblagerequis.com, cliquez sur la belle image de l'inspecteur Gadget et tout sera là. Tout vous sera révélé. Hein? C'est comme du braille, mais pas vraiment du tout dans le fond. Il y aura une autre capsule tantôt de Gogo Gadget, mais pour l'instant, en musique, voici la pièce titre et la pièce homonyme de Vanessa Parietter. Vous êtes assez fous, 89.fm. We'll be right back. Valès Pariétaire et leur pièce qui s'appelle aussi Valès Pariétaire à CNX spécial Go Go Gadget. On écoute mes chroniques Go Go Gadget préférées depuis le début de 2009. C'était ça la phrase dans l'ordre. Sans perdre plus de temps, voici la chronique du 18 juin. Ah, Go Go Gadget, ma chronique préférée, je pense, qui fait le tour des gadgets les plus stupides et ou utiles et ou ridicules trouvés sur l'Internet cette semaine. Commençons par une nouvelle qui vient de Boing Boing Gadget, un des sites que j'aime beaucoup sur Internet en passant. Allez voir gadget.boingboing.net. Donc, montré au plus récent Computex Trade Show, le Air Keyboard de Sideco combine une souris 3D avec un clavier avec pouces, tu sais, qu'on utilise avec ses pouces, ce qui le rend donc inutile pour un ordinateur normal, mais super pour un cinéma maison, hein, pour faire du couchsurfing, comme on appelle. Les touches sont drôlement placées sur ce genre de clavier qui ressemble à une manette de jeu, mais en pas mal plus gros, je trouve. Mais très, très bonne idée. Par contre, Sideco va vendre ça très bientôt, mais on sait pas si ça va se rendre jusqu'en Amérique du Nord pour l'instant, et du moins officiellement, ça va être facile de l'acheter sur Internet, mais bon, ça pourrait être bien pour n'importe quelle application comme Boxy, pour voir des vidéos de votre ordinateur qui serait branché dans un moniteur, dans une télé grand écran. T'sais, on sait qu'il y a toujours une prise pour brancher son ordinateur dans la télé de nos jours. Ce serait pratique. J'adore le produit. Dans le même genre, pour les systèmes de cinéma maison ou de divertissement, si vous avez un PC dans votre salon, Hillcrest Labs a annoncé son Loop Pointer qui est maintenant disponible. Ça, c'est disponible maintenant là, pas tantôt. Sur Amazon.com ou directement de leur site web à Hillcrest Labs, le pointeur ressemble à un bracelet des années 80, mais c'est une souris complète qui fonctionne dans les airs et n'a pas besoin de surface. L'appareil est argent et noir avec 4 boutons de souris et une roulette, une roue. La souris se connecte sur Mac et PC via un transceiver USB. The Loop était un concept avant pour le Free Space Mousing Technology, mais ça peut être acheté maintenant pour 100$ seulement. Donc pour un système de cinéma maison, si vous écoutez souvent la télé dans le salon là, avec votre ordinateur, c'est extrêmement pratique. 100$, c'est pas beaucoup payé pour ça. C'est difficile de trouver une souris, c'est pas évident de trouver une souris sans fil qui fonctionne assez loin d'un écran de télé. Prochain sujet, ça vient de CrunchGear.com. Vous connaissez le concept des médias olfactifs, si on veut. C'est envoyer des odeurs, mettons, dans un cinéma pour améliorer l'expérience de visionnement. C'est une idée qui existe depuis des décennies. Ben maintenant, Entity Communications, qui est une compagnie qui appartient au géant des télécommunications japonais Entity, ça amène l'idée à un nouveau niveau, qu'on dit. La compagnie a annoncé le développement d'un système de communication fragrant ou par fragrance qui rend possible l'envoi des odeurs via le web. Entity Communications présentement recrute des gens pour tester leur service iAroma, hein, qui va être en test entre mi-juillet et la fin du mois d'août. iAroma est basé sur un appareil USB de 15 cm de haut qui contient 6 huiles de base qui sont mélangées et vaporisées dépendant de la demande du diffuseur. Donc, résultat, un nombre de différentes fragrances sortiront de la machine. Ça ne dit pas exactement combien, mais quand même. Un total de 360 participants chanceux pourront essayer deux différents services de communication par fragrance gratuitement. Les détails sont dans l'article. Je vais vous sauver ça ici. Mais Entity ne fait pas de blague avec ça parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent voir s'envoler, là, que ça devienne populaire bientôt. Bref, c'est surtout ciblé vers les femmes dans leur trentaine. La compagnie essaie de trouver des façons de commercialiser leurs produits, mais à ce point-ci, c'est seulement les gens au Japon qui ont Windows XP ou Windows Vista. Sûrement qu'aux États-Unis, le Smell-O-Vision va être assez populaire dans quelques années quand même. L'entreprise Kingston Technology a accompli une première mondiale en proposant une clé USB DT200 d'une capacité de stockage inégalée de 128 gigaoctets. Ce chiffre a l'air vraiment stupide, comme ça quand vous connaissez pas trop les gigaoctets, mais c'est énorme. Selon Laurent Sirgi, directeur général de Kingston, la clé permet aux consommateurs de stocker jusqu'à 182 CD de musique ou jusqu'à 27 films longs-métrages sur DVD. Les utilisateurs professionnels peuvent transporter avec eux de grandes bases de données lors de leur déplacement. Fin de la citation. L'achat de la clé comprend une garantie de 5 ans et le logiciel de protection par mot de passe Password Traveler. Il faut noter qu'il n'est compatible que sous Windows 2000 et plus. Et il faut absolument activer la fonction Ready Boost de Vista sur la clé. Mais bref, c'est génial, 128 gig, je pense qu'on peut pas demander mieux pour l'instant. C'est pas mal le max qu'on peut faire en ce moment même en 2009, en juin. Hein? On dit ici que les prix sont quand même assez élevés, 546 américains ou 620 canadiens pour 128 gigs. Il y a deux autres modèles qui vont se rajouter à la gamme, la clé jaune et noire de 64 gigs et la bleue et noire de 32 gigs. Allez voir l'article sur le www.unechance.com comme toujours. Combien de fois vous êtes-vous demandé en sortant d'une toilette publique après vous être soigneusement récuré toutes les pores de la peau des mains? Pourquoi la poignée de la porte de sortie était couverte d'une inquiétante substance graisseuse? C'est ce que demande Branchez-vous Gadget. Pure Leave, volé à la rescousse. Il s'agit d'une gamme de poignées de porte avec distributeur de couverture en papier recyclé. À chaque fois que quelqu'un ouvre la porte, l'ancienne couverture est éjectée et remplacée par une toute neuve, de sorte qu'on ne sera jamais obligé de se salir les petites mains sur la poignée qu'un vilain vient de tripoter sans s'être lavé les doigts après avoir mangé des côtes levées. Ah, j'ai hâte de voir des gens sortir des toilettes sans se laver les mains. Et je sais qu'on est diffusé dans les toilettes du Néré Beauchemin, entre autres. Hein? Et je sais qu'en ce moment, ils vont pas se laver les mains, je vous dis, faites le don juste pour moi. Je vais y aller peut-être tard. Ça peut sembler un temps inexcessif comme idée, on dit ici, mais en ce temps de pandémie appréhendée, il y a certainement des gens qui voudront être prudents. Et après tout, il y a beaucoup trop de portes dans les hôpitaux et tout ce qui peut empêcher la propagation d'infections nosocomiales ne peut qu'être une bonne chose, dit Branchez-vous Gadget. David Friedman parle sur son Ironic Sense blog. C'est rempli d'idées, ce site-là. Hein? Ça n'a jamais été quelque chose qu'on a contredit ici. Mais là, on parle vraiment de quelque chose de génial et c'est artistiquement parlant génial. Hein? C'est le Outlet Wall. On dirait, bon, avec le mot en anglais, ça s'explique par soi-même, là, mais c'est un mur de prise de courant. Donc, c'est littéralement un mur d'une pièce qui a été recouvert complètement de prise de courant. Évidemment, c'est pas toutes les prises qui sont actives, qui sont branchées vers du courant. Il y a sûrement une façon de voir lesquelles sont live, c'est branché. Mais bref, ça, c'est à la place d'avoir des fils tout en mottons à terre en arrière de votre meuble de télé, les brancher sur le mur, ça fait vraiment quelque chose de très, très joli. Si j'avais le temps et l'argent, je le ferais très bien. Ça, c'est très, très joli. Bref, allez voir l'unechance.com pour le lien www.unechance.com. C'est le Outlet Wall de David Friedman. Ah tiens, un génie, je pourrais dire. Oui, je pense que le mot est assez fort. Britannique a une solution pour les filles qui sortent d'un bar avec leurs talons hauts puis que là, ils ont de la misère à marcher jusqu'à leur voiture. Pas parce qu'elles sont saoules, mais parce qu'elles ont mal aux pieds. Donc, ce Britannique-là a inventé une machine distributrice de souliers plats. C'est vrai. Donc, t'es en Grande-Bretagne, hein? Tu es au bar et tu portes tes stilettos. Tu mets 8$ environ, 5 livres dans la machine, une paire de jolis petits souliers très confortables peuvent être à vous. Et en plus, ils sont super flexibles, ils peuvent être pliés et mis dans votre sac à main pour être utilisés plus tard. Donc, vous pouvez l'acheter au début de la soirée parce que, tu sais, à la fin de la soirée, peut-être que t'auras plus d'argent quand tu vas payer trop de shooters, quelque chose du genre, je sais pas. Voilà, ça vient de parishilton.com. Allez voir lunechance.com pour la photo. De nos jours, hein, un bureau, c'est un bureau, une table, une place où t'as ton ordinateur, voilà, ou un cubicule, ça peut souvent ressembler au panneau de contrôle d'un vaisseau spatial, dit Switch.com. Il y a assez de gadgets, de lumières, de moniteurs, de technologies avec différents livres d'instructions. Hein? Ouais. Ben, ici, le site Walkstation à 4 900$ est un bureau ajustable avec un treadmill, un tapis roulant monté à sa base. Ça en rajoute pas mal au look de votre bureau, ça, mais ça va vous faire faire de l'exercice. Il y a un moniteur sur le bureau qui montre la vitesse, entre 0.3 000 par heure, 1000 à l'heure, c'est ça, jusqu'à 2000 à l'heure. Ça vous montre aussi combien de calories ont été brûlées, et la durée et la distance de votre promenade jusqu'à maintenant. Hein? Selon Steelcase, le treadmill est tellement silencieux que ça ne dérangera pas vos collègues de travail qui sont à côté de vous. Hein? Bon. Voilà, donc ça vient de Steelcase. Allez voir le site www.steelcase.com pour l'acheter peut-être pour 4 900$. C'est un bureau avec un tapis roulant en dessous et peut-être que vous pouvez fitter votre portable quelque part avec votre télé et votre souris. En tout cas, il y a une place, mais votre moniteur, je crois. Oui, je vois le moniteur sur la photo ici. OK, ensuite, tiens, nouvelle invention au New York Toy Fair qui est enfin publique sur leur site web, dit un lecteur de Boing Boing Gadget, encore une fois. Ça vient de fascinations.com, le site où vous pouvez voir ça. Donc, c'est un petit disque sur lequel on peut faire léviter n'importe quel objet à quelques pouces au-dessus de la surface d'une base illuminée. Le disque tourne, vous pouvez placer jusqu'à 4 onces de n'importe quoi sur le disque et ça va flotter dans les airs et tourner pendant que les lumières de la base vont l'illuminer. Donc, si vous avez n'importe quelle collection, comme des figurines, des coquillages, n'importe quoi, ça pourrait être joli, peut-être moins avec des coquillages. Je suis pas un gars de coquillage du tout, moi. Bref, c'est génial. Ça devrait être disponible vers Noël. C'est ce qu'ils nous promettent sur leur site. Ensuite, Lego lance de nouveaux Gadget Blocks, qu'ils appellent. Lego a annoncé une nouvelle ligne de produits qui inclut une caméra vidéo avec Stop Animation, un lecteur MP3. Ça va coûter 40$ environ. Une caméra à photo, 50$. Un alarme, un walkie-talkie et un boom block. C'est comme une boombox. Bref, les gadgets vont être disponibles cet automne. Mais vous pouvez aller voir les détails sur lunechance.com. Le lien est dessus. C'est très, très joli. J'en veux plusieurs, je dirais. Au moins plusieurs. Le Comfort Wipe. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Ça a fait le tour du net pas mal cette semaine. C'est le Comfort Wipe. C'est un genre de bras de 18 pouces qui vous permet de tenir votre papier de toilette pour l'utiliser quand vous ne pouvez pas vous rendre jusqu'à vos propres fesses ou que vous n'aimez pas avoir le contact de vos doigts proche de vos fesses. En tout cas, peu importe. Allez voir la vidéo. C'est une infopublicité pour le Comfort Wipe, www.comfortwipe.com. Et là, on voit différents témoignages de personnes qui ont normalement besoin d'aide pour aller aux toilettes ou bien quelqu'un qui est un petit peu du côté un petit peu enrobé, disons, qui dit « Ah, il n'y a pas juste des avantages à être enrobé. » Parce que si on ne savait pas qu'il y en avait des avantages à ça. La vidéo est sur YouTube, mais sinon, passez par le www.unechance.com. Le lien est à votre disposition. C'est assez simple à les retrouver. Ah, c'est donc amusant de se rappeler de quel gadget les gens parlaient sur Internet. Vous êtes dans le spécial GoGo Gadget de CNX. On vous présente toutes les capsules GoGo Gadget qui ont lieu depuis le début de 2009. Évidemment, on n'aura pas le temps de toutes les passer littéralement. Vous pouvez voir le reste sur assemblagerequis.com. Tous les liens sont là, classés par demi-heure. Et ça, c'était la capsule du 18 juin dans l'émission CNX Viande Hachée. Il nous reste une deuxième capsule de la même émission qui s'en vient au début de la deuxième heure. Il va aussi y avoir d'autres capsules qui datent d'il y a plus longtemps que ça. Hein? C'est le fun. Donc, restez avec nous pour la deuxième partie de CNX GoGo Gadget. Dash.com. Bonjour, c'est la deuxième heure de CNX présente un spécial GoGo Gadget. Cette semaine, on découvre et on redécouvre, on écoute et on réécoute les capsules GoGo Gadget depuis le début de 2009. Allez voir le assemblagerequis.com pour tous les liens. Tantôt, on va écouter une capsule qui date du mois de juin. Mais avant ça, voici la musique de Standing Waltz et Can't Break Me. Vous êtes assez fou, 89.1 FM, et ça, c'est la radio campus de Trois-Rivières. C'est vrai. C'est fou dans vos oreilles. C'est fou ça, la radio autrement, etc. Oh, Sunny Walt, c'est Can't Break Me, c'est sur le palmarès anglophone de C'est Fou cette semaine. Vous êtes à CNX spécial GoGo Gadget, on écoute les capsules GoGo Gadget depuis le début de 2009, on recule quand même pas mal. Tout de suite, voici la deuxième capsule de l'émission du 18 juin. Oui, GoGo Gadget, la chronique qui vous présente des gadgets soit utiles, soit complètement ridicules. Commençons par un qui est ridicule, mais qui pourrait être utile pour les gens qui sont très paresseux. Trop paresseux pour aller promener leur chien tous les jours. Hein. Vous pouvez payer 3 000 $ pour le Jog Dog Treadmill, qui est littéralement un tapis roulant pour chien avec des côtés en genre de barreau pour pas qu'il tombe en bas, je sais pas. Il y a même un nouveau format extra large pour les très gros chiens. Allez voir le www.unechance.com pour le lien vers cet article de Boing Boing Gadget. Rapid Repair a passé une fin de semaine à défaire le Palm Pre en morceaux en seulement 10 étapes. Vous pouvez voir le résultat aussi sur unechance.com. Le Palm Pre qui est supposément là un nouveau téléphone cellulaire avec écran touchscreen qui ressemble un peu au iPhone. C'est en fait sa compétition principale. Et il y a bien des gens qui disent que ça pourrait battre le iPhone. C'est si bon que ça. Bref, le Palm Pre. Pour tous les gens qui aiment chanter dans la salle de bain, une compagnie italienne vient de sortir un produit pour amener votre routine du matin à un nouveau niveau. Hein? Ils en parlent sur le site Device. Le Matra Bathroom Mirror par Stucco se connecte à un lecteur MP3, joue de la musique à travers des haut-parleurs qui sont inclus dans le miroir. Il y a aussi des contrôles à l'écran. Et là, on parle de touchscreen, oui, dans un miroir. Donc, vous pouvez chanter, vous peigner, vous raser en même temps. Il y a même une horloge. Il y a une lumière interne, une lumière externe, une chose de, qui empêche de faire de la buée. Et même un baromètre dans ce miroir-là. Très beau design, moderne, innovateur. Hein? Mais aussi, tu pourrais juste avoir un lecteur MP3 dans ta salle de bain puis juste utiliser le miroir comme une vraie personne. Mais bon, bref, si tu as l'argent pour ça, pourquoi pas. C'est par Stucco, le Metro Bathroom Mirror. Tiens, il y a bien des gens qui sont difficiles à convaincre que les livres électroniques sont la vague du futur. Tu sais, le Kindle de Amazon, c'est un produit que bien des gens adorent, mais d'autres qui sont durs à convaincre, il y a des gens qui veulent pas utiliser ça parce qu'ils disent, c'est j'aime l'odeur d'un vrai livre, j'aime l'avoir dans mes mains, j'aime mettre la couverture en arrière, tu sais, le plier, puis mettre plier les coins de page, n'importe quoi comme ça. Bref, ces nouveaux aérosols Smell of Books vont peut-être les faire changer d'idée. 5 différentes senteurs, odeurs de nouveaux livres, hein? Livres classiques, hein, comme un vieux livre sorti d'une cave, t'sais. Crunchy bacon scent pour lire à côté, tu sais, à côté du déjeuner. T'sais. C'est le fun des fois, tu sais, quand ta copine fait des toasts puis des œufs pendant que toi tu lis, t'sais. Tu lui laisses faire la job. C'est très gentil de ta part, je te respecte beaucoup, t'sais. Sinon, il y a aussi Scent of Sensibility. Et il y a... Oh! T'as des chats. Oh, t'as, je sais pas pourquoi quelqu'un voudrait utiliser ça, mais bref. 5 différentes senteurs comme ça à mettre sur votre livre électronique pour répliquer, copier l'odeur d'un vrai livre. C'est New Book Smell in a Can. C'est, ça vient de ogizmo.com. Tiens, le clavier est certainement une des choses les plus importantes à avoir quand t'achètes un ordinateur. T'sais, si t'achètes un ordinateur, pas de clavier, pas mal pris. T'sais. Mais malgré depuis, t'sais, ça existe depuis des décennies tout ça, mais ça a pas changé tant que ça les claviers. T'sais. Le plus récent produit à essayer de changer ça, c'est le Peregrine Glove. Hein? Même si on pense pas que c'est le futur peut-être des ordinateurs, mais ça pourrait l'être pour votre PC ou votre Mac. C'est surtout fait pour les jeux de rôle. C'est pas pour tout le monde. T'sais, c'est pas un clavier là. C'est pas comme un des gants que tu te sers pour taper là. Sur un vrai clavier. C'est juste des touches, des combinaisons de touches que vous pouvez faire avec différentes fonctions dans ces gants-là. Ça a été montré pour la première fois à l'E3. Le Peregrine, c'est dans le fond un gant élastique avec des fils à l'intérieur qui sont connectés à différents points. Ça conduit quelque chose, des circuits électriques, hein, et ça les convertit en pression sur des touches. Donc, si disons tu touches ton pouce avec ton doigt ton majeur, mettons, ça pourrait faire un saut, un sort dans un jeu de rôle. Hein. Tu pourrais toucher, mettons, ton majeur à ta paume, peut-être, et ça pourrait te healer, comme on dit dans les jeux de rôle. Ah, bref! Il y a un total de 40 combinaisons qu'on peut faire avec différents points de contact dans le gant qu'on peut utiliser, configurer n'importe comment, dans des shooters, par exemple, comme Quake ou World of Warcraft. Ça coûte 129 $, ça va sortir, ça va être envoyé cet automne. Et même, ça a l'air cher. En fait, on dit que c'est un produit extrêmement solide et bien fait, avec spécification militaire, donc fait avec des matériaux militaires, donc extrêmement durable. 129 $ pour ces Peregrine Gloves. Génial. Si vous êtes vous êtes une fille geek, premièrement, bonjour, bienvenue à vous. Très heureux de vous avoir à CNX, l'émission la plus geek de la radio. Vous avez besoin d'une robe, hein, parce que les filles ont toujours besoin d'une nouvelle robe. Hein, chaque jour, une nouvelle robe, ça se pourrait. Bref, cette robe qui vient de... Je voulais pas rire des filles, mais c'est vrai pareil. JC de Castle Bahak nous propose une robe à 134$ fait visuellement de morceaux de Lego. C'est pas littéralement des morceaux de Lego dans la robe, là. Mais ça a l'air d'être ça. C'est joli, c'est très beau. Allez voir lunechance.com. Sinon, ça vient de Geek Sugar par JC de Castle Bahak. Assez dur à appeler. Passez donc par le site de l'émission au www.lunechance.com. Belle robe pour les filles geeks. J'adore ça. Moi, je porterais des bobettes avec des Legos dessus. Si vous avez déjà essayé de déjeuner très tôt le matin ou souper très tard le soir, disons 2h30 du matin, tu sais, ou je sais pas, le matin pendant une éclipse, peut-être qu'il manque d'électricité chez vous. C'est presque impossible de voir ce qu'on mange. C'est ce que dit Ogizmo.com. Heureusement, les gens de Sylvania ont trouvé la solution parfaite. Ils ont mis des lumières LED à l'intérieur de napperons bien standard, terrestres et tout. C'est pas mal comme technologie, ça. 25$ pour deux napperons, les lumières à l'intérieur quand on met des batteries, là, des toutes petites batteries minuscules de montre, genre, là, petites, toutes petites. Ça va durer environ 20 heures, les lumières dessus. Et ça a été traité avec du Scotch Guard. Donc, même si vous renversez quelque chose, ça ne défera pas les lumières. Elles vont continuer de fonctionner. Manger la nuit ou manger devant votre télé, peut-être, tu sais, il n'y a pas beaucoup de lumière. Des fois, tu pourras avoir des surprises, des bestioles, des insectes sur ton assiette. Là, les lumières vont pouvoir te montrer ça. Tu vas pouvoir tout jeter. Super. Votre bureau est toujours rempli de choses. Je sais, le mien l'est tout le temps, plein d'affaires. J'ai de la misère à faire le ménage. Et là, il y a votre souris, votre clavier qui sont parmi plein de dégâts ou parmi des biscuits, puis de la liqueur, n'importe quoi. Bref, pourquoi ne pas enlever votre souris du bureau et la remplacer? En fait, votre clavier aussi, remplacer tout ça par un clavier souris. Hein? C'est comme deux morceaux. Tu as un morceau gauche, qui est le clavier, une moitié de clavier. À droite, c'est l'autre moitié de clavier, mais c'est aussi une souris. Il y a une forme de souris attachée à cette autre moitié de clavier-là. Et là, ce qui se passe, c'est que quand tes mains sont en position de tapage, là, ça va agir comme un clavier normal. Bon, ouais, hein? Et là, quand tu vas te mettre la main sur la portion souris du clavier de droite, vous allez toucher à un contact sur le côté qui va automatiquement la changer en mode souris. Hein? Donc, non seulement, bon, tu tapes tes lettres, après ça, tu mets sur ta souris, puis là, ça devient une souris, puis là, tu bouges, puis là, tu joues à un shooter, mettons, puis là, tu peux taper puis bouger ta souris en même temps. C'est malade. Au début, c'était un prototype. Maintenant, c'est passé par différents tests d'usabilité, usability, l'utilisabilité, qu'on pourrait dire en français. Et maintenant, c'est rendu au Wichita State University, et ça va devenir peut-être un produit un jour. Moi, je trouve ça vraiment cool comme concept. J'ai hâte d'en voir plus. Il y a même une roulette sur la partie gauche du clavier. Je sais pas pourquoi c'est sur la partie gauche. Peut-être pour l'horizontale. Je sais pas trop comment ça fonctionne. J'aimerais ça l'utiliser dans mes mains. Parce que à l'écran comme ça, ça a pas l'air évident à utiliser. Mais si ça a passé les tests d'utilisabilité, peut-être que c'est meilleur que je le pense. Bref, allez voir lunechance.com pour le lien. C'est une souris et un clavier en même temps. NEC CRV43, ça vous dit pas grand-chose. C'est un affichage qui a été révélé récemment, qui est un écran extrêmement long en largeur. En largeur, si on veut. Mais c'est beaucoup plus long que genre 2-3 écrans. Ça a l'air visuellement d'au moins 3 écrans. Si vous aimez les multimoniteurs, hein, ça va être pour vous, ça. Pas de ligne entre les deux. C'est très, très joli. C'est 8000$, par contre. Mm-hmm. Hein? C'est un écran courbé, en plus, qui vous fait une genre d'immersion dans votre jeu vidéo, dans votre travail. 2880 pixels de large par 900 de haut. WWXGA. Et là, j'ai bien dit WWXGA pour la résolution. 10000 contre 1 pour le ratio de contraste. DVI-D, HDMI, USB 2.0. Il y a des ports USB 2.0, un affichage à l'écran et... le moniteur le plus unique de votre quartier, dit Uncrate.com. J'en veux deux. Ça va coûter 16000$. Ça va être super cher. Ça va être fun. C'est triste, hein, quand ça coûte cher comme ça, des gadgets. Mmh. Oui, tout à fait, Mathieu Plante. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Bref, c'était la capsule Go Gadget qui date de l'émission du 18 juin. Allez voir assemblagerequis.com pour les liens. Cliquez sur l'émission la plus récente avec l'inspecteur Gadget et retrouvez tous les liens de cette émission spéciale où on vous présente les capsules Go Gadget depuis les derniers mois. C'est une belle compilation. Tantôt, on va faire une capsule qui date du début du mois de juin, mais avant ça, en musique, tout de suite. Voici Marie-Pierre Arthur et Droit Devant sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Vous pouvez nous écouter en direct sur Internet. C'estfou.ca est l'adresse. pardonne toutes les peurs. Marie-Pierre Arthur est droit devant à CNX spécial Gogo Gadget. On continue avec la capsule du 4 juin. On commence avec un gadget qui est en fait non existant. On en parle souvent ici à CNX de concepts, des concepts de gadgets que vous pouvez pas acheter mais qui sont quand même cool comme idée, qui vont peut-être se réaliser dans le futur plus ou moins rapproché. Donc on commence avec un crayon qui aide avec avec les couleurs. Vous sélectionnez une couleur dans la nature et le crayon va écrire de la même couleur. Je vous explique un peu. Color Picker est un design innovateur d'un crayon concept qui peut scanner les couleurs de n'importe quoi autour de vous et utiliser la couleur pour dessiner. Après avoir placé le crayon contre un objet, l'utilisateur appuie sur le bouton scan. La couleur est détectée par un senseur et la cartouche RGB à l'intérieur du crayon. RGB, c'est red, green, blue, là, rouge, vert et bleu. Et mélange les angles qu'il faut pour créer la couleur cible. Très belle affaire. Je sais que c'est pas disponible pour l'instant, mais peut-être un jour verrons-nous un gadget comme celui-là, au moins quelque chose qui pourrait se rapprocher de la couleur qu'on veut, au moins dans le même rayon de couleur. C'est pour ça cool. Donc c'est Color Picker sur tuvie.com, T-U-V-I-E.com. Le lien est comme toujours dans les notes de l'émission sur le cifou.ca et sur le unechance.com. Nico, vous connaissez la compagnie d'accessoires de jeux vidéo Nico, N-Y-K-O. Eh bien, ils ont révélé leurs gadgets, leurs accessoires pour le 3, la grosse foire de jeux vidéo. Et à moins que ce soit de l'humour, et je pense que ce ne l'est pas, ils ont vraiment des idées folles, ces gens de chez Nico. Bon, il y a des affaires classiques, des affaires que tout le monde, tu sais, pourrait utiliser, comme le Charge Grip Flex pour la PSP, qui est, tu sais, une chose pour s'agripper à la console, puis en même temps qu'il recharge. Tu as le TypePad Pro, qui est un petit peu plus stupide. C'est un clavier qui s'ajoute à la baguette Nyko. Si vous n'avez pas vu ça, cherchez un peu. Sinon, le Zoom Case, c'est un accessoire pour protéger votre DSi, tu sais, de plastique pour qu'il soit moins fragile, mais avec un zoom 8X à l'intérieur pour les caméras de la Nintendo DSi ou la caméra, celle qui est à l'extérieur. Un gros, gros zoom d'appareil photo parce que tu voulais faire de la photographie très, très professionnelle avec une Nintendo DSi. Hein. Bref, les gadgets de Nico, hein, sont rendus fous. Tiens, des portefeuilles en forme de cassette audio, je trouve ça très joli. Ça vient de Design Bloom. C'est fait avec de vraies vieilles cassettes audio. Là, les cassettes que tout le monde utilisait dans les années 90. Mais ça coûte 43$. Donc c'est très très cher. Par contre, évidemment, en les regardant, vous pouvez vous inspirer de ça pour faire votre propre portefeuille en forme de cassette audio. Ça vient de designbloom.com. Ah tiens, garder ces jeux, ces manettes et ces consoles de jeux bien propres et à un endroit sécuritaire et qui sont pas dans le chemin. C'est pas que c'est dans le chemin, c'est plate quand c'est dans le chemin, une console de jeu puis une manette, c'est à la table, puis là, tu traînes partout dans le salon. Ici, c'est un nouveau produit pour les consoles de jeux et les accessoires qui s'appelle Game On. Ça a été révélé. L'appareil peut être monté sur le mur et ça a une tablette en haut qui peut tenir vos jeux. Et une tablette en bas pour la console. Évidemment, peut-être que si vous mettez la PlayStation 3 dedans, comme sur la photo, ça occupe pas mal tout l'espace, là. Mais si vous mettez la Wii, vous allez avoir de la place pour plein d'autres jeux sur le côté. C'est ça le fun là-dedans. Bref, sur les côtés, il y a aussi des petites braquettes pour retenir 4 télécommandes ou des accessoires de Guitar Hero ou Rock Band, par exemple. Game On est disponible en noir, en blanc, en vert, bleu, rouge et jaune pour 60$ chacun. On sait pas exactement comment ça s'attache au mur, mais évidemment, ça doit être assez solide. Et c'est joli. Et c'est le fun parce que c'est pas dans le chemin. Moi, j'aime ça. Ensuite, tiens, pourquoi pas parler de bonbons Pac-Man. Oui, c'est un petit contenant en forme de des fantômes de Pac-Man et de Pac-Man lui-même. Et ça coûte 12$ pour chaque, oui, c'est ça. Avec des bonbons à l'intérieur. Très joli. Ça ressemble aux petites pilules que Pac-Man mangerait. Hein? C'est le fun. C'est en forme de petit personnage de Pac-Man. 2,5 pouces environ pour le contenant qui peut servir à d'autres choses, évidemment, que les bonbons à la fin. Bref, c'est génial. Pac-Man Candy for a Retro Geeky Sugar Fix, dit-il. C'est par Uber Review. Tiens, un article de Branchez-vous Gadget. Éventuellement, l'été arrivera, dit-il, un jour, et à ce moment, vous aurez chaud. Lorsque vous irez dehors, dit-il, hein, ce François-Dominique Laramie, et vos gadgets, vous, et vos gadgets aussi auront chaud, sauf si vous faites l'acquisition du Powerbrella. Hein? Testé l'an passé dans une école de Floride, le Powerbrella est un parasol doté de cellules photoélectriques, de sorte que la lumière qui ne vous tombe pas sur le ciboulot sera captée et transformée en énergie. Combien d'énergie? Ce n'est pas encore tout à fait clair, mais sans doute assez pour alimenter un petit appareil ou encore garder une batterie d'ordinateur portable pleinement chargée. Et le Powerbrella est aussi imperméable pour les jours de pluie et recyclable au cas où l'été n'arriverait finalement jamais. Ça va être disponible au mois de juillet, c'est via treehugger.com. Créé par Kevin Stone. Oh, j'aime ce nom-là, ça fait très super-héros. Hein? C'est comme t'as Clark Kent puis t'as Kevin Stone. Bref, c'est un chirurgien orthopédique et inventeur. C'est lui qui a créé ce Rescue Reel, hein, qui est une meilleure façon pour les résidents des étages du haut d'édifice ou encore les travailleurs de la construction de s'échapper d'un building qui est très, très haut en cas d'urgence. Donc, l'appareil est basé sur la mécanique d'une canne à pêche. Malade, ça. Le Rescue Reel améliore sur ce design-là avec un système de frein centrifuge automatique qui contrôle la vitesse de la descente. Et si jamais tout ça est un échec total, il y a aussi un levier de frein manuel en tant que méthode de backup, comme on pourrait dire, un plan B. Évidemment, ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est comment c'est facile à utiliser. Je veux dire, t'as pas besoin de l'expliquer tant que ça. C'est assez facile à comprendre. Et le Rescue Reel ne demande à l'utilisateur que de brancher un cordon de Kevlar à un objet qui est sécure en haut de l'édifice. Par exemple, je sais pas, à un conduit de chauffage rétro. J'avais ça chez nous avant. C'était super beau. Mais je suis pas sûr que ça tient tant que ça. Mais bref, à quelque chose de sécuritaire. Ça, c'est peut-être le conseil à donner le plus possible dans ces cas-là d'urgence. Bref, aucun besoin de prendre des cours d'escalade ou n'importe quoi. Et descendre de 100 étages prend moins de 4 minutes. Le premier prototype fonctionnel de ce Rescue Reel a été testé en 2007 et une version commerciale devrait être disponible l'année prochaine pour environ 1 500 $. Et ce prix-là va descendre une fois que ça deviendra produit en masse. J'adore l'idée, c'est Rescue Reel et tu ressembles extrêmement à Batman et Robin dans la série. C'est génial. Juste pour avoir l'air cool. Parlant de Batman et de Robin, mes deux héros. Hein? Un mini bat-signal lumineux, évidemment. Tout ce qu'il y a de plus, ou au moins qu'il y a l'air le plus authentique. Si vous voulez votre propre bat-signal, c'est votre chance. Une édition limitée de 500 sont vendues pour 260 $ chacun chez Entertainment Earth. Et là, entertainmentearth.com est l'adresse. Cette réplique miniature du bat-signal a une construction en métal solide et fait environ 12 pouces de haut avec un ventilateur intégré qui peut être tourné et anglé pour vous donner la meilleure chance de faire le contact avec le Dark Knight, le chevalier noir, sombre, comme ça, je sais pas. Bref, une fan, cooling fan, et ben. Bien sûr, la lumière peut aussi projeter le bat-symbole jusqu'à environ 16 pieds. Mais évidemment, faut pas s'attendre à avoir des monstres qui sortent de votre garde-robe, tu sais, comme Batman. Ben, c'est pas un monstre, Batman, mais tu sais, bref, il y a rien qui va sortir de votre garde-robe. En tout cas, dépendant, je sais pas ce que vous avez dans votre garde-robe qui pourrait sortir de là. 4 $, attends, qu'est-ce que je suis en train de lire là? En tout cas, bref, ça coûte cher. C'est combien, je disais? 260 $ chez Entertainment Earth. Voilà, le prix 260 $, il y en a 50. 500 sont vendus. Je me mêle facilement. Directement du Japon, voici le clavier d'ordinateur pour ceux qui aiment vraiment trop les ordinateurs, dit encore une fois, branchez-vous gadget, tellement qu'ils ne sont pas capables de s'en éloigner assez longtemps pour nourrir le chat et lui donner de l'affection. Ce clavier bordé de fausses fourrures remplace efficacement un chat, car non seulement il passe tout son temps à rien faire comme un vrai félin domestique, ah c'est gentil, mais en plus il se laisse flatter à volonté sans perdre son poil sur vos pantalons ni griffer vos rideaux neufs. Et au cas où l'illusion ne serait pas encore tout à fait suffisante, les mêmes zigotos offrent aussi une clé USB en forme de queue de chat décorée d'un ruban qu'on peut brancher dans le port USB du clavier pour compléter le portrait. Waouh! C'est via Technabob. La semaine passée, on parlait de clé USB en forme d'oreille de chat. Ça aussi, c'était joli. Une de chaque, tu sais, pour moi. Une de chaque. Tiens, petite idée rapide. Sanwa, la compagnie Sanwa, a pris votre clé USB normale de tous les jours et a ajouté un collecteur eSATA de l'autre côté pour vous permettre des vitesses de transfert rapide directement dans votre gros ordinateur de bureau pour environ 75 mégasecondes. C'est votre PC à un port externe ISATA. Les lecteurs flash qui sont évidemment seulement disponibles au Japon pour l'instant et viennent en saveur 32 et 16 gigs vont, espérons-le, hein? J'espère qu'ils ne coûtera pas cher que, tu sais, un lecteur a eu... j'espère que ça ne coûtera pas plus cher tant que ça qu'une clé USB normale. Bon, est-ce que je vais sortir de la phrase? Bref, Sanwa, malade, j'aime ça. USATA, c'est juste un connecteur, tu sais, de genre de disque rouge. Ça va plus vite. Hein? Tiens, on avait parlé il y a quelques mois de ça ici à CNX, d'un Duck Hunter à infrarouge, un jeu qui avait fait un gros splash, comme on dit, au CES, le Consumer Electronics Show et au Toy Fair cette année. Et après plusieurs mois d'attente, c'est maintenant disponible pour l'achat. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça ramène le jeu pour la NES Duck Hunt dans le vrai monde, sans laisser de sang sur vos mains, évidemment. C'est un canard rechargeable qui vole dans la pièce pendant que vous essayez de le tirer avec un fusil infrarouge. Et si vous le frappez trois fois, eh bien, le canard va tomber par terre, prêt à être ramassé. C'est pas la meilleure idée au monde, ça? J'adore. 56$ australiens ou 43$ américains. Ça s'appelle Infrared Duck Hunter. Allez voir lunechance.com, évidemment, pour le lien. Hein, faut jamais oublier le www.unechance.com. Et tiens, dernier petit lien de la semaine dans la chronique Gogo Gadget, c'est la Pop Statch. Une collaboration entre des designers industriels, Shane Bloomberg, John Ely et Andrew Reeves. C'est des moustaches qui servent pour identifier vos boissons et rappeler aux autres qu'il n'y a rien de plus amusant qu'une moustache. Donc, dans le fond, tu as plusieurs modèles de moustaches, d'accord, qui sont faites en plastique, j'imagine en plastique, avec une petite rondelle. Et tu peux mettre ta rondelle sur ta bouteille, par exemple, d'une boisson, alcoolisée ou une liqueur, n'importe quoi. Et puis, ben, t'as l'air d'avoir une moustache quand tu bois, puis en plus, ben, ça différencie les bouteilles des autres, des tiennes. Faut pas se mêler, puis se donner des microbes, puis la grippe porcine. C'est la capsule Gogo Gadget du 4 juin 2009. Vous êtes dans le spécial CNX Gogo Gadget et on présente les capsules qui ont lieu depuis les derniers mois ici à CNX. Il y en aura d'autres plus tard dans la dernière demi-heure de l'émission. Tout plein de chroniques, en fait, dans cette dernière demi-heure. Je vous rappelle le site de l'émission www.assemblagerequis pour tous les liens d'aujourd'hui. Ils sont classés par ordre, donc allez-y tout de suite, www.assemblagerequis.com. On se retrouve pour la dernière demi-heure. Restez là. Bonjour, c'est la dernière demi-heure de CNX spécial Gogo Gadget. On écoute les chroniques Gogo Gadget qui ont lieu depuis les derniers mois ici dans l'émission CNX, l'émission la publique de la radio sur C'est Fou. Il nous reste plusieurs chroniques, mais avant de continuer, je pense qu'on est dû pour une petite pause musicale. Voici Chinatown et leur pièce du jazz avec l'Apocalypse. Vous êtes sur les ondes de C'est Fou 89.5. Tu fermes ta gueule et tu rames sur les radeaux d'inconvenance ton héritage américain. Dans la rue c'est différent, ça roule, tu lèches les nuages indigestes. Un petit sourire dans la foule, poing fermé au fond de ta veste. Tu joues du jazz avec l'apocalypse. Au milieu de la cité. Tu joues du jazz avec l'apocalypse. Tu bois l'éclipse comme une tasse de thé. Qui parle de déménager pour la plus proche nébuleuse et conquérir la voie lactée. Ce soir sorbet carbonisé fondant l'horizon démentiel, tu piques à travers les ruelles. Tu joues du jazz avec l'apocalypse. tasse de thé. Dans tous les sens, y aurait du café dans la fusée, des conversations impudiques sur les terrasses ensoleillées. Tu joues du jazz avec l'apocalypse au milieu de la cité. Tu joues du jazz avec l'apocalypse. Tu bois l'éclipse comme une tasse de thé. Chinatown et du jazz avec l'apocalypse de leur album Cité d'or. Vous êtes à CNX spécial Gogo Gadget. On écoute toutes les capsules Gogo Gadget qu'on peut faire entrer dans l'émission si on veut. Voici celle du 28 mai. La chronique Gogo Gadget, c'est là que je parle de mes gadgets préférés de la semaine. Là, ceux qui m'ont le plus intrigué, le plus intéressé, que je trouve les plus stupides ou les plus utiles. Commençons par c'est comme un entre-deux. C'est utile, mais c'est en même temps plutôt frivole, comme on pourrait peut-être dire. C'est des savons miniatures qui sont inspirés par le jeu classique Space Invaders. 24 morceaux, 6 de chaque couleur. Il y a 4 couleurs, donc. Avec senteur d'agrumes ou d'huile essentielle. Chaque morceau pèse un quart d'once. Amusante façon de se laver les mains. Très, très, très jolie. Ça peut aussi être utilisé comme cadeau parce que ça vient dans un beau petit sac avec un petit sac orange. C'est tout cute. Bref, c'est de Etsy.com. Allez voir le site de l'émission au www.unechance.com. Fait par la même personne, c'est des savons en forme de morceaux de Tetris. C'est la compagnie Digital Soaps. C'est les mêmes d'ailleurs qui avaient fait les savons en forme de télécommande, de commande de jeux vidéo dont on parlait récemment à CNX. Bref, 8 onces de ces Tetraminos. Ça va vous coûter 10$. Ils ont aussi d'autres produits que vous pouvez aller voir sur leur site. Et les photos sont dans l'article au unechance.com. Très mignon. Dans le même genre, je dirais, des jeux rétro, mais cette fois-ci pour votre frigidaire, comme on dirait. C'est Magnet Games, toujours chez Etsy. Wow, c'est encore chez Etsy, j'avais même pas remarqué. Bref, c'est 22 morceaux, 30$ pour des aimants Super Mario. Si vous aimez pas Super Mario, il y a aussi Zelda, Pac-Man et Tetris. Il y a même un cheeseburger à 8$. Tout ça en aimant pour votre réfrigérateur sur le unechance.com. L'article vient de geekologie.com. Ah tiens, ah ça m'intrigue ça. Tout le monde parle de ça cette semaine. Un chandail vendu sur Amazon.com, le site de magasinage en ligne. Un chandail avec 3 têtes de loup qui crie, qui hurle à la lune. Hein? Il a reçu des centaines et des centaines de critiques sur le site en blague. La plupart, et c'est très drôle à lire, donc allez-y. Ça a vraiment fait augmenter les ventes et même la BBC a fait un article là-dessus. Bref, tout le monde parle de ça. On mentionne surtout les propriétés magiques, entre guillemets, de ce chandail-là. Bref, tout le monde l'achète. Ça a monté les ventes là, du t-shirt avec des loups dessus. A monté de 2300% depuis les critiques. Bref. Allez voir sur l'unechance.com pour le lien direct et aussi quelques critiques ailleurs que sur Amazon, dont BBC News. Ah tiens, le CapSac, un produit des années 80, oui, c'est sorti en 87, mais ça se vendait pas vraiment parce que dans ce temps-là, je sais pas si vous vous rappelez, là, passé lointain qu'on essaie d'oublier, mais il y avait pas d'Internet encore en 87. Maintenant, le produit est de retour et beaucoup plus populaire qu'avant. Hein, son futur est très, très, très beau pour ce produit-là. Bref, c'est un... C'est un sac banane pour votre tête, finalement. Ça. Disponible en couleur néon et en pas néon. Ces chapeaux à 13$ promettent d'ajouter un petit peu de flair rétro à votre tête et un petit peu plus de place pour mettre des affaires pour pas avoir des clés qui font des schlick-schlack ou de la monnaie dans vos poches. À la place, vous l'avez sur votre tête. Tellement joli. C'est très à la mode. Allez voir ça. Unechance.com. Et si vous voulez aller acheter directement des casquettes, cap-sac.com. Simple, hein? Celui-là, je vais être honnête avec vous. Je ne comprends pas comment ça peut fonctionner. Mais par contre, je trouve l'idée bonne. Hein? L'Internet est toujours là pour vous aider, vous, les hommes d'affaires, peut-être. Hein? Si vous portez une cravate, tu sais, des fois, c'est plate d'avoir une cravate que le nœud n'est pas dans le même sens, les lignes ne sont pas dans le même sens, disons, sur votre cravate, que le reste de la cravate. Tu sais, le nœud et la cravate n'ont pas les lignes dans le même sens. C'est plate, ça. Ici, je sais pas comment ils font, encore une fois, mais c'est une cravate spéciale, une congruent tie. Et là, tout le monde parle de ça sur Internet, donc ça doit être vrai. Mais qui fait que tout s'aligne. Bref. Allez voir ça. Essayez de comprendre comment ça fonctionne, mais bref, ça fait que le nœud et la cravate vont avoir les lignes dans le même sens. Fascinant, n'est-ce pas? Les caméras vidéo traditionnelles sont souvent vraiment fatigantes parce que pour les user, il faut tout le temps regarder dedans, appuyer sur des boutons, et puis ben, ça vous fait manquer des affaires qui sont devant vous. Oui, vous l'avez peut-être sur votre cassette ou sur votre, peu importe, fichier, mais vous ne vivez pas l'expérience en temps réel, tu sais, parce qu'il faut tout le temps faire de quoi. Bref, ici, cette caméra très, très compacte de 2,5 pouces de long et qui pèse de moins d'une once, hein, très, très petit, assez petite pour la porter autour de votre tête. Hein? Sans que personne la remarque, en tout cas de la façon qu'elle est faite. Allez voir les photos. Sinon, vous pouvez la coller, j'imagine, avec du papier collant à n'importe quel appareil, comme une moto téléguidée ou une fusée ou votre chat pour capturer quelque chose d'unique. C'est ce que dit l'article sur Gizmo.com. La caméra est à l'épreuve de l'eau, c'est ça qui est impressionnant. Ça descend jusqu'à 65 pieds et ça enregistre en qualité QVGA, donc 320 de 40 pixels, sans son, jusqu'à 2 heures sur la mémoire interne de 2 gigs. Donc, c'est un petit, tout petit appareil, 2 gigs là-dedans. C'est cool. Un pile intégré qui se recharge et qui transfère les données par USB. Par contre, le prix est cher, 135$, mais le gadget a l'air pas mal le fun à utiliser pour faire des vidéos vraiment le fun. Peut-être à mettre sur YouTube, peut-être. Quelque chose de drôle, d'inutile en même temps. Les clés USB sont rendues tellement petites que ça, t'as même pas besoin de les enlever de ton ordinateur quand tu mets dans un sac tellement que c'est rendu petit les clés USB. Donc maintenant on peut rajouter des affaires un petit peu plus grosses dessus, un petit peu plus belles. T'sais. Ici ils ont rajouté une cuillère et des céréales genre Raisin Bran sur leur clé USB. C'est joli. Je pense pas qu'on peut acheter ça par exemple. Hein. Bon. Bref, un petit peu de colle et de do it yourself et vous avez une clé USB Universal Serial Bus. Très beau jeu de mots ici. Encore un autre appareil USB, et là, vraiment extrêmement petit, avec un morceau de Lego transparent au bout. Donc, on peut voir la lumière de la clé USB passer dans le bout de Lego qui est attaché après pour le mettre sur le côté de votre ordinateur. Très joli. C'est une brique 1x2, donc tu sais, un de profond et de large par 2 d'horizontal. Bref, c'est très joli. C'est fait en Allemagne avec des équipements professionnels, disent-ils, et ça fonctionne avec n'importe quel ordinateur Windows, Mac, Linux ou n'importe quoi. Disponible dans n'importe quelle couleur que Lego fait. Ils peuvent même assembler pour vous des morceaux non transparents si vous le désirez. Bref, c'est fait sur commande. C'est pour ça que c'est un petit peu cher. 50$ pour 1 gig. Même si c'est nostalgique, je trouve ça un petit peu trop cher pour moi, ça. Tiens, ah, ben ça va intéresser les fans de Halo. Hein, on est rendu quoi à Halo 84, je crois, en ce moment. Bref, pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps, demande l'article, pour faire des versions téléguidées de du Warthog, hein, un véhicule, ça dans Halo, si je comprends bien. Mm-hmm. Bref, ça coûte 24$ sur BigBadToyStore.com. C'est pas encore disponible, ça va être en août que ça va être disponible tout ça. Il y a aussi une version téléguidée du Mongoose pour 24$. Mais ici, l'article dit que le plus beau là-dedans, c'est le Hornet qui vole pour vrai, mais ça coûte 39$. Les trois véhicules sont basés sur les modèles créés par ordinateur de la compagnie Bungie pour les jeux Halo, la série Halo. Et comme je disais, ils vont être disponibles au mois d'août pour les prix que j'ai mentionnés sur BigBadToyStore.com. Belle adresse. Même si c'est pas officiellement un hommage au Game Boy, j'imagine pour pas se faire poursuivre par Nintendo, je crois que c'est pas mal évident de voir où ils ont pris leur inspiration pour faire ce skin ou cette deuxième peau de iPhone monochrome style Game Boy disponible sur le site infectious.com. Ben oui, c'est dans la section iPhone skins. Donc pour $15, on vous envoie trois autocollants, un pour l'arrière de votre iPhone avec un Game Boy complet là, vraiment dessiné style pixel avec même l'écran vert et vert et noir, je dirais. Et puis il y a aussi un autre collant pour mettre à l'avant de votre iPhone pour avoir des genres de faux boutons qui encadrent le menu, le bouton menu hein, du iPhone. Et finalement, un autre qui va aller dans votre pile d'autocollants à Apple. Comme quand vous achetez un portable à Apple, il vient toujours avec un autocollant, personne s'en sert. Mais bref, ça vient avec un autre collant, juste de logo que vous allez mettre dans votre pile de logo. Voilà, donc ça, c'est très joli et c'est sur le site infectious.com. Ah tiens, bon, allons-y rapidement là-dessus. Ça, c'est un petit peu moins le fun, mais quand même, ça vaudrait la peine d'être acheté si vous avez beaucoup d'argent. C'est une clé USB en forme d'oreille de chat. Oui, c'est vrai. Essayez pas de voir si votre chat a vraiment des clés USB à la place des oreilles, parce que je vous dis tout de suite que c'est pas le cas. Mais bref, ça coûte 2 gigs pour $44, 8 gigs pour $65. C'est vraiment des fausses oreilles de chat qui vont avoir l'air de dépasser de votre portable. C'est pas beau, ça? Sinon, il y a aussi un Transformer qui se transforme en supposément netbook, mais qui n'est pas vraiment un netbook, donc ce n'est pas un ordinateur portable. Il a juste l'air d'en être un. C'est en fait un hub, un séparateur, un multiplicateur de prise USB. Donc, vraiment, vous avez votre bonhomme Transformer, hein, comme dans le film qui va sortir, là. Puis là, vous le ramanchez en pièces et puis il devient un hub USB. Quand vous le défaites, il redevient un genre de d'ordinateur portable sur ses genres d'ailes. Puis, en tout cas, bref, allez voir les photos, c'est beau. Mais est-ce que ça vaut vraiment les 5 775 yens si vous voulez en importer un? On s'imagine que si vous l'importez, c'est parce que ça va être cher. Ensuite, ah tiens, vous aimez faire du cerf-volant, mais vous aimez pas aller à l'extérieur. Ça, je vous comprends complètement. C'est normal, c'est plate dehors. Hein, les enfants? Allez sur Robitron.com. Pour seulement $15, vous pouvez acheter un cerf-volant pour l'intérieur. Oui, c'est téléguidé. Ça vient de la compagnie Silverlit. C'est fait pour être donc volé à l'intérieur en l'absence de vent. Sinon, ça peut être dehors aussi s'il n'y a pas de vent. Hein. Ça fonctionne avec un moteur électrique et une hélice dans sa queue contrôlée par un genre de télécommande touch sensitive, comme on dit. Mais c'est attaché par un câble au cerf-volant, donc c'est peut-être pas génial avec le câble. Mais bon, bref, il faut 8 batteries 2A en plus. Je trouve le concept cool, tu sais. Et pour terminer cette chronique GoGo Gadget, on parlait de Tetris un petit peu plus tôt avec des savons en forme de tétromino. Tétromino, j'oublie toujours les voyelles. Tétromino et non pas tétrimino. Ici, c'est des pots à fleurs et à plantes en forme de ces barres et cubes et T et S et Z de Tetris. Joli, très joli. Allez voir ça. Les prix sont disponibles sur demande sur behance.net. Passer par le site de l'émission au www.unechance.com, www.unechance.com. Voilà! Ah, j'en dis-tu des niaises dans ces capsules GoGo Gadget à l'intérieur de CNX, l'émission la plus geek de la radio. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On fait un spécial GoGo Gadget. On écoute les vieilles capsules diffusées à CNX. Il nous en reste encore quelques-unes, mais pas tant que ça. On va bientôt se quitter. Celle-là date du 28 mai. Allez voir le assemblagerequis.com, toujours pour les liens. C'est classé par ordre temporel à l'intérieur de l'émission. Tout de suite, sans perdre plus de temps, voici Pale Air Singers avec leur pièce Horse Trade. Et on se retrouve avec une dernière capsule ou deux de GoGo Gadget. Restez là. Jeudi prochain, il y a Cynix. Une compilation des capsules autour du net de la dernière session. 2 heures de sites intéressants et de très bonnes façons de passer le temps. L'émission la plus geek de la radio commence jeudi prochain à 11h, rediffusion mercredi à 15h. Oui, c'est la chronique Gogo Gadget et moi, je suis celui qu'il faut critiquer. Hein? Quand même. On commence avec mon gadget préféré depuis longtemps. Là. Oh, que j'adore ça. Komodo Inex 3-in-1 Virtual Retro Adapter. Oui. Bon, vous connaissez la Nintendo Wii, vous jouez avec. Et là, vous vous dites, vous jouez à des jeux classiques. Vous êtes sur le Wii Store ou peu importe. Vous achetez vos jeux classiques de NES et de Super NES. Et là, vous utilisez la Classic Controller, la télécommande qui est supposée ressembler à une manette de Super Nintendo. Ça fait un job. C'est correct. Mais tu sais, il manque des boutons un petit peu. C'est pas malade comment c'est placé. Et puis, c'est pas aussi joli qu'une manette rétro. Non. Donc, à la place, vous allez devoir acheter ce gadget à 20$ qui va être montré à l'E3, la grosse foire de jeux vidéo, dans 2 semaines. Et là, vous pouvez brancher sur cet adaptateur-là une Nintendo 64, une Super NES et une NES. Oui, c'est Komodo et Inex qui fait ça, c'est la compagnie. C'est le 3-in-1 Retro Adapter. Ça utilise un port GameCube sur la Wii et ça permet de connecter 3 manettes pour utiliser ces titres de la console virtuelle de la Nintendo Wii. Encore une fois, le prix environ 20$. Ça devrait être en vente vers la mi-juin. Je suis pas sûr que les jeux vidéo vont mener à la destruction de la civilisation comme les médias le disent des fois. Mais le Game Doctor, pourrait vous aider au moins à empêcher vos enfants de toujours être sur la console de jeu parce que c'est vrai que ça pourrait les rendre gros et pas très intelligents. Hein? Donc ça se branche après n'importe quel condom. Prenez pas quel condom électrique dans votre prise de courant, hein, un fil électrique, cordon. Hein, et puis, ça vous empêche de tirer la plug, comme on dit. Donc, vous pouvez pas débrancher l'appareil avant que le timer soit rendu à 0. Je parle très bien aujourd'hui. Bref, ça va aussi vous avertir à 10 minutes et à 1 minute. Donc, vous allez avoir en masse de temps pour sauvegarder votre partie. Au moins, ce serait triste de perdre votre partie que vous avez jouée pendant cette heure ou deux précédant le timer. Et puis ça dit que le Game Doctor est tamper-proof, donc que c'est impossible de débrancher le fil, à part si vous avez des outils. Mais si vous avez des outils et que vous voulez tant que ça fesser sur le petit gadget, c'est que vous avez vraiment pas de vie. Hein? Bref, c'est le Game Doctor et ça va coûter environ 30$ en juin sur digitalinnovations.com. C'est le Game Doctor, Game DR. Qu'acheter? Quoi acheter pour la personne qui a déjà tout? Il y a déjà tout, c'est les clés USB du monde. Parce que tu sais, les clés USB, c'est beau, c'est le fun. Il y en a plein des clés USB le fun et j'en parle tout le temps à CNX. Celle-là, c'est probablement la plus intéressante que j'ai vue aussi depuis un bout. C'est le Memory Stick Transformer 2 GB. C'est littéralement une clé USB qui se transforme en Transformer. Donc, elle est à plat, elle ressemble à une voiture, elle se branche dans le port USB. Et quand tu la défais, ça devient un genre de panthère ou de chat ou de chien ou peu importe l'animal. Mais bon, c'est disponible en précommande, oui, sur BigBadToyStore.com. Oui, et ça coûte 43$, c'est cher. Ça va être disponible au mois de septembre. Et la question reste, est-ce que ça vaut la peine de payer 43$ pour un petit gadget qu'on met sur son bureau comme ça? Oui, parce que ça va impressionner vos amis. Oui. The Study Ball par curiosité.com, c'est apparemment et présumément devrait être le mot que je pourrais utiliser. Ça, on dit que c'est un vrai produit à 115$ qui vous empêche de bouger de votre bureau pendant que vous êtes supposé être en train d'étudier. Hein? Ça a l'air d'une vraie blague parce que ça pèse genre 20 livres. Là. C'est assez facile à transporter. Mais bref, ça pourrait au moins vous forcer à rester là un petit peu plus longtemps. Peut-être parce que ça vous tente pas de bouger avec une grosse boule. Là. C'est un genre de boulet de canon attaché à votre pied parce que ça ressemble physiquement à un boulet de canon attaché par une chaîne à un bracelet qu'on met autour de son pied, de sa cheville. Et puis là, il y a un timer, encore une fois, que tu programmes autant que tu veux. Et là, il y a des petites lumières là, rouges qui indiquent le temps qu'il reste à étudier. Là, donc, je dis que la boule pèse un total de 9,5 kg ou 20,95 livres. Donc, ça va être difficile, entre guillemets, de bouger avec ça. Hein? 21 livres, en tout cas. Donc, voilà le site du produit. C'est sur curiosité.com. Passez par le site de l'émission au www.unechance.com pour le lien. Et finalement, un article de Branchez-vous Gadget. Allumer et éteindre sa lampe de chevet en tapant dans les mains, c'est horriblement quétaine, disent-ils. Que dire alors d'une lampe qui change de couleur en lisant les pensées de son propriétaire. Selon ses créateurs, le principe de la Mind Lamp est basé sur les résultats de recherche sur les interactions entre la pensée et la matière à l'Université Princeton. La lampe change régulièrement de couleur en fonction des résultats produits par un générateur d'événements aléatoires, ce qui signifie qu'elle change de couleur au hasard, sauf que l'esprit humain pourrait bien influencer le déroulement des événements aléatoires en question pour orienter le choix de couleur une fois de temps en temps. Ce phénomène serait relié à un des aspects les plus bizarres de la mécanique quantique et qui dit en gros qu'un événement quantique existe dans tous les états possibles en même temps jusqu'à ce qu'un observateur force la fonction d'onde quantique à se réduire à un seul état. Fascinant, n'est-ce pas? Ou peut-être que c'est n'importe quoi et que la lampe change simplement de couleur au hasard, c'est ce que dit l'article. Mais ce qui peut quand même être joli, mais un peu cher, à 150$, l'article venait originalement de Ogizmo.com. C'était la capsule du 21 mai de GoGo Gadget ici à CNX, émission à plus geek de la radio. On a écouté 8 capsules GoGo Gadget à travers ces deux dernières heures. C'était super intéressant. Allez voir le assemblagerequis.com pour tous les liens. www.assemblagerequis.com. Cliquez sur l'émission la plus récente de CNX avec le petit inspecteur Gadget. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission spéciale compilation de CNX. On va compiler les capsules autour du net. Plein de sites vraiment le fun à explorer sur Internet. Je vais poster d'autres capsules du restant de la session d'été et de la session d'hiver de Google Gadget sur le assemblagerequis.com en exclusivité web. Donc, la semaine prochaine, autour du net, et dans deux semaines, Chiptunes, à la semaine prochaine! Bye bye! Dash.com.